Prenez un peu de cash, il en faut, mais là je te parle pas de monnaie. Nardage de comique quand même, pour une bandeur de 7 et plein de hache, c'est faux, je vais pas me cartonner, ni bagardonner, je suis un chip doudou. Je frappe pas mes caresses, malgré ma paresse, mes rapes tarés paraissent à ce qu'il paraît. Je suis fou, j'ai de la malice, mais pas de ralice, m'en fous, je veux juste ma mise. Je rappe pour le love, je suis même pas anti-police. Y'a des CRS pacifiques et des condés pacifiques que ça j'rappe. J'te sauve, minis, oh, dans ton crâne profond, dans ton cœur je glisse. Et moi j'rappe pour le love, miss. Des fois j'ai l'impression que j'y love, fils. J'rappe pour le love, peace. Appelle-moi rap safari. Moi j'aime pas ça quand ça tape safari. Mais j'fais tout pour que tu bouges ton tafanari. Quatre faces faciles et les rapaces j'arrive. Mais quand tu cherches un VMC à mon cadavre, j'arrive. Titre en tabasse, gros wasabi, ça pique mes bases et résiste. Tu veux du balsamic? Non, non, j'ai pas le temps. J'fous nada de ma vie, mais bon, j'ai pas le temps. Tu veux que ça aille vite? T'es fanatique. Le rap, c'est pas de la magie. Tu t'agites, mais moi, j'ai pas le temps. parce que j'aime pas les femmes de merde. Et moi pas croire que je l'aurais été si j'avais du temps à perdre. Puis c'est même pas quand j'ai un truc important à faire. Trouver un endroit où t'es pas là, un peu belé. Faut que j'aille au frigo, chercher une canette. Faut que je trouve un bédo. D'ailleurs en parlant de ça, papa, vas-y, et pas n'importe où. Ce soir c'est la fête, mais ne me parle pas trop, s'il te plaît. Tu prends la tête, moi, je vais aller bouger les bras. Brûler le gras, pour jaillir sur de la fin. Carte de vie par le là, là, donc bouge de là. Boule de car, moi je ne risque pas. Non, je ne suis pas beauté, je suis que type normal. Mais j'ai la saveur, un type banal. Mais je viens d'ailleurs, je kick ça, tu le sais. Demande à ta soeur, je suis qu'un type normal, c'est vrai. Mais le meilleur, je suis un touche à tout sympa. Je peux te faire saigner du nez, c'est mon côté louvert. On ne vient pas me faire chier quand je suis mal luné. Tout à coup, je sais pas, me prendre comme une envie de fumer. Le premier fou qui viendra tenter de voler mon calme. être aimé, t'aimes, file vite fait. T'en es pigé, ni t'en es aidé, tu m'as irrité. Pas médité, je sais pas, cuisiner. Si je m'y mets, tu vas halluciner. Chez moi, c'est inné, c'est mi, c'est mi, c'est yo. Depuis le lycée, yo, par lui, fallait s'y glisser avec les yeux plissés, yo. Ne pas laisser passer les tas, cette clash, les places au fond de la classe, on le sait. Cette tribu confiancée, je vais m'éliminer, mes vases, imiter les singes. Encre les marges, le savoir est une arme. Je suis battu, moi je vais l'utiliser. Pire, je te tire dessus. Pire, je rime sur cette démocratie où la raison du peuple n'existe plus. C'est trop facile de dire que le peuple ne décide plus. Je veux le pouvoir, pas le donner. Donc voter ne m'excite plus. Et c'est facile de perdre espoir comme de regarder les enfants. Esquiver les impôts, pour moi qui quitte des impôts. Passer sur son côté, c'est déjà un trop, c'était que l'intro. Mais là faut que je m'exprime, car c'est bien bon dans mon micro d'un nid de rime. Préviens les victimes. Dehors y'a plus de robots, c'est un peu à cause de qu'on stream. Mais que fais-tu, peuple? Tu baisses les bras, tu laisses l'état se faire niquer, c'est ça. Comme si tu croyais pas, comme si tu croyais plus. C'est la fin de la démocratie, un peu à cause de toi. Le peuple s'enlise, mais la force est en lui, non seulement moi j'y crois, mais y'a des sages qui le disent. Malgré ça, le peuple s'enlise, il reste cloué au sol. Dis-moi, faudra-t-il libérer le peuple pour qu'il décore, sidérer les masses pour qu'elles s'informent, réparer nos armes pour tout le corps. Et tu te demandes pourquoi tant de gars se noient dans l'alcool. Sans voir des drogues dures, se font péter la cervelle. Viens voir, c'est dur d'assumer le réel. Des sous mon caravelle à chaque jour passé aussi vrai que tu devrais être. Chaque million passé de perdre espoir, c'est facile. Comme regarder les infos, avec du pouvoir d'esquiver les impôts. Pour moi, kicker des impros. Quand ça sort sans m'écouter, je dis c'est déjà un info. Thank you.